Homère, l'Odyssée, chant 12. La nef, ayant quitté le fleuve Océan, courut sur les flots de la mer, là où Hélios se lève, où Éos, né au matin, a ses demeures et ses cœurs, vers l'île Aïaïe. Étant arrivés là, nous tirâmes la nef sur le sable, puis descendant sur le rivage de la mer, nous nous endormîmes en attendant la divine Éos. Et quand Éos, aux doigts rosés, né au matin, apparut, j'envoyai mes compagnons vers la demeure de Circé, afin d'en rapporter le cadavre d'Elpénor qui n'était plus. Puis, ayant coupé des arbres sur la hauteur du rivage, nous fîmes ses funérailles, tristes et versant d'abondantes larmes. Et quand le cadavre et les armes du mort eurent été brûlés, ayant construit le tombeau surmonté d'une colonne, nous plantâmes l'aviron au sommet, et ces choses furent faites. Mais en revenant du Hadès, nous ne retournâmes point chez Circé. Elle vint elle-même à la hâte, et avec elle, vers ses servantes qui portaient du pain, des chairs abondantes et du vin rouge. Et la noble déesse au milieu de nous parla ainsi. Malheureux, qui vivant êtes descendu dans la demeure d'Hadès, vous mourrez deux fois, et les autres hommes ne meurent qu'une fois. Allons, mangez et buvez pendant tout le jour, jusqu'à la chute de Hélios, et à la lumière naissante, vous naviguerez, et je vous dirai la route, et je vous avertirai de toutes choses, de peur que vous ne subissiez encore des maux cruels, sur la mer ou sur la terre. Elle parla ainsi, et elle persuada notre âme généreuse. Et pendant tout le jour, jusqu'à la chute de Hélios, nous restâmes mangeant les chairs abondantes et buvant le vin doux. Et quand Hélios tomba, le soir survint, et mes compagnons s'endormirent auprès des câbles de la nef. Mais Circé, me prenant par la main, me conduisit loin de mes compagnons, et s'étant couché avec moi, m'interrogea sur les choses qui m'étaient arrivées, et je lui racontai tout. Et alors la vénérable Circé me dit, ainsi tu as accompli tous ces travaux. Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Un dieu lui-même fera que tu t'en souviennes. Tu rencontreras d'abord les sirènes, qui charment tous les hommes qui les approchent. Mais il est perdu, celui qui par imprudence écoute leurs chants, et jamais sa femme et ses enfants ne le reverront dans sa demeure, et ne se réjouiront. Les sirènes, le charme par leur chant harmonieux, assises dans une prairie, autour d'un grand amas d'ossements d'hommes et de peaux en putréfaction, navigue rapidement au-delà, et bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle, de peur qu'aucun d'eux entende. Pour toi, écoute-les si tu veux, mais que tes compagnons te lient, à l'aide de cordes, dans la nef rapide debout contre le mât, par les pieds et les mains, avant que tu écoutes avec une grande volupté la voix des sirènes. Et si tu pries tes compagnons, si tu leur ordonnes de te délier, qu'ils te chargent de plus de liens encore. Après que vous aurez navigué au-delà, je ne puis te dire, des deux voies que tu trouveras, laquelle choisir. Mais tu te décideras dans ton esprit. Je te les décrirai cependant. Là, se dressent deux hautes roches, et contre elles retentissent les grands flots d'Amphitrite aux yeux bleus. Les dieux heureux les nomment les errantes. Et jamais les oiseaux ne volent au-delà, pas même les timides colombes qui portent l'ambroisie au père Zeus. Souvent une d'elles tombe sur la roche. Mais le père en crée une autre, afin que le nombre en soit complet. Jamais aucune nef ayant approché ces roches, n'en a échappé. Et les flots de la mer et la tempête pleine d'éclairs emportent les bancs des rameurs et les corps des hommes. Et une seule nef, sillonnant la mer, a navigué au-delà. Argo, chère à tous les dieux et qui revenait de la terre, Déesse. Et même, elle allait être jetée contre les grandes roches, mais Héra la fit passer outre, car Jason lui était cher. Tels sont ces deux écueils. L'un de son faîte aigu atteint les hauts Ouranos, et une nuée bleue l'environne sans cesse. Et jamais la sérénité ne baigne son sommet, ni en été, ni en automne. Et jamais aucun homme mortel ne pourrait y monter ou en descendre, quand il aurait 20 bras et 20 pieds, tant la roche est haute et semblable à une pierre polie. Au milieu de l'écueil, il y a une caverne noire, dont l'entrée est tournée vers l'Erebos. Et c'est de cette caverne, illustre Odysseus, qu'il faut approcher ta nef creuse. Un homme, dans la force de la jeunesse, ne pourrait, de sa nef, lancer une flèche jusque dans cette caverne profonde. Et c'est là qu'habite Scylla, qui pousse des rugissements et dont la voix est aussi forte que celle d'un jeune lion. C'est un monstre prodigieux, et nul n'est joyeux de l'avoir vu, pas même un dieu. Elle a 12 pieds difformes, et 6 coups sortent longuement de son corps, et à chaque coup est attachée une tête horrible, et dans chaque gueule, pleine de la noire mort, il y a une triple rangée de dents épaisses et nombreuses. Et elle est plongée dans la caverne creuse jusqu'aux reins. Mais elle étend au dehors ses têtes, et regardant autour de l'écueil, elle saisit les dauphins, les chiens de mer et les autres monstres innombrables qu'elle veut prendre et que nourrit la gémissante Amphitrite. Jamais les marins ne pourront se glorifier d'avoir passé auprès d'elle, sains et saufs, sur leur nef. Car chaque tête enlève un homme hors de la nef à la proue bleue. L'autre écueil voisin que tu verras, Odysseus, est moins élevé, et tu en atteindrais le sommet d'un trait. Il y croit un grand figuier sauvage, chargé de feuilles, et sous ce figuier, la divine Charybde engloutit l'eau noire. Et elle la revomit 3 fois par jour, et elle engloutit 3 fois horriblement. Et si tu arrivais quand elle l'engloutit, celui qui ébranle la terre, lui-même, voudrait te sauver? Qu'il ne le pourrait. Pousse donc rapidement ta nef le long de Scylla, car il vaut mieux perdre 6 hommes de tes compagnons que les perdre tous. Elle parla ainsi et je lui répondis. Parle, déesse, et dis-moi la vérité. Si je puis échapper à la désastreuse Charybde, ne pourrais-je attaquer Scylla quand elle saisirait mes compagnons? Je parlai ainsi, et la noble déesse me répondit. Malheureux! Tu songes donc encore aux travaux de la guerre? Et tu ne veux pas céder même aux dieux immortels? Mais Scylla n'est point mortel, c'est un monstre cruel, terrible et sauvage, et qui ne peut être combattu. Aucun courage ne peut en triompher. Si tu ne te hâtes point, ayant saisi tes armes près de la roche, je crains que, se ruant de nouveau, elle emporte autant de têtes qu'elle a déjà enlevées d'hommes. Vogue donc rapidement, et invoque Crataïs, mère de Scylla, qui l'a enfantée pour la perte des hommes, afin qu'elle l'apaise et que celle-ci ne se précipite point de nouveau. Tu arriveras ensuite à l'île Trinakié. Là paissent les bœufs et les gras troupeaux d'Hélios. Et il a 7 troupeaux de bœufs et autant de brebis, 50 par troupeau. Et ils ne font point de petits, et ils ne meurent point, et leurs pasteurs sont 2 nymphes divines. Phaétusa, et Lampétier, que la divine Néaïra a conçu du Hyperionide Hélios. Et leur mère vénérable les enfanta et les nourrit, et elle les laissa dans l'île Trinakié, afin qu'elles habitassent au loin, gardant les brebis paternelles et les bœufs aux cornes recourbées. Si, songeant à ton retour, tu ne touches point à ces troupeaux, vous rentrerez tous dans Ithaque, après avoir beaucoup souffert. Mais si tu les blesses, alors je te prédis la perte de ta nef et de tes compagnons, et tu échapperas seul, mais tu rentreras tard et misérable dans ta demeure, ayant perdu tous tes compagnons. » Elle parla ainsi, et aussitôt Éos s'assit sur son trône d'or, et la noble déesse Circé disparut dans l'île. Et retournant vers ma nef, j'excitai mes compagnons à y monter et à détacher les câbles. Et ils montèrent aussitôt, et ils s'assirent en ordre sur les bancs, et ils frappèrent la blanche mer de leurs avirons. Circé, aux beaux cheveux, terrible et vénérable déesse, envoya derrière la nef à proue bleue un vent favorable qui emplit la voile. Et toutes choses étant mises en place sur la nef, nous nous assîmes, et le vent, et le pilote, nous conduisirent. Alors, triste dans le cœur, je dis à mes compagnons. Ô amis, il ne faut pas qu'un seul, et même deux seulement d'entre vous, sache ce que m'a prédit la noble déesse Circé. Mais il faut que nous le sachions tous, et je vous le dirai. Nous mourrons après, ou évitant le danger, nous échapperons à la mort et à la guerre. Avant tout, elle nous ordonne de fuir le champ et la prairie des divines sirènes, et à moi seule elle permet de les écouter. Mais liez-moi fortement avec des cordes, debout contre le mât, afin que j'y reste immobile. Et si je vous supplie et vous ordonne de me délier, alors au contraire, chargez-moi de plus de liens. Et je disais cela à mes compagnons, et pendant ce temps, la nef bien construite approcha rapidement de l'île des sirènes, tant le vent favorable nous poussait. Mais il s'apaisa aussitôt, et il fit silence, et un démon assoupit les flots. Alors, mes compagnons, se levant, plièrent les voiles et les déposèrent dans la nef creuse, et s'étant assis, ils blanchirent l'eau avec leurs avirons polis. Et je coupai, à l'aide de l'airain tranchant, une grande masse ronde de cire, dont je pressai les morceaux dans mes fortes mains, et la cire s'amollit, car la chaleur du roi Hélios était brûlante. Et j'employai une grande force, et je fermai les oreilles de tous mes compagnons, et dans la nef, ils me lièrent avec des cordes, par les pieds et les mains debout contre le mât. Puis, s'asseyant, ils frappèrent de leurs avirons la mer écumeuse. Et nous approchâmes à la portée de la voie, et la nef rapide étant proche, fut promptement aperçue par les sirènes, et elles chantèrent leur chant harmonieux. Viens, ô illustre Odysseus, grande gloire des Achéens, arrête ta nef, afin d'écouter notre voix. Aucun homme n'a dépassé notre île sur sa nef noire, sans écouter notre douce voix. Puis il s'éloigne, plein de joie, et sachant de nombreuses choses. Nous savons, en effet, tout ce que les Achéens et les Troyens ont subi devant la grande Troie, par la volonté des dieux, et nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Elles chantaient ainsi, faisant résonner leurs belles voix, et mon cœur voulait les entendre, et en remuant les sourcils, je fis signe à mes compagnons de me détacher. Mais ils agitaient plus ardemment les avirons. Et aussitôt, Périmédès et Eurylochos se levant me chargèrent de plus de liens. Après que nous les eûmes dépassés, et que nous n'entendîmes plus leur voix et leur chant, mes chers compagnons retirèrent la cire de leurs oreilles et me détachèrent. Mais à peine avions-nous laissé l'île, que je vis de la fumée et de grands flots, et que j'entendis un bruit immense. Et mes compagnons, frappés de crainte, laissèrent les avirons tomber de leurs mains. Et le courant emportait la nef, parce qu'ils n'agitaient plus les avirons. Et moi, courant çà et là, j'exhortais chacun d'eux par de douces paroles. Ô amis, nous n'ignorons pas les mots. N'avons-nous pas enduré un mal pire quand le cyclope nous tenait renfermés dans sa caverne creuse avec une violence horrible? Mais alors, par ma vertu, par mon intelligence, et ma sagesse, nous lui avons échappé. Je ne pense pas que vous l'ayez oublié. Donc, maintenant, faites ce que je vous dirai, obéissez tous. Vous, assis sur les bancs, frappez de vos avirons les flots profonds de la mer. Et toi, pilote, je t'ordonne ceci, retiens-le dans ton esprit, puisque tu tiens le gouvernail de la nef creuse. Dirige-la en dehors de cette fumée et de ce courant, et gagne cet autre écueil. Ne cesse pas d'y tendre avec vigueur, et tu détourneras notre perte. » Je parlais ainsi, et ils obéirent promptement à mes paroles. Mais je ne leur dis rien de Scylla, cette irrémédiable tristesse, de peur qu'épouvantée, ils cessassent de remuer les avirons pour se cacher tous ensemble dans le fond de la nef. Et alors, j'oubliai les ordres cruels de Circé qui m'avait recommandé de ne point m'armer, et m'étant revêtu de mes armes splendides, et ayant pris deux longues lances, je montai sur la proue de la nef, d'où je croyais apercevoir d'abord la rocheuse Scylla, apportant la mort à mes compagnons. Mais je ne pus la voir. Mes yeux se fatiguaient à regarder de tous les côtés de la roche noire. Et nous traversions ce détroit en gémissant. D'un côté était Scylla, et de l'autre, la divine Charybde engloutissait l'horrible eau salée de la mer. Et quand elle la vomissait, celle-ci bouillonnait comme dans un bassin sur un grand feu, et elle la lançait en l'air, et l'eau pleuvait sur les deux écueils. Et quand elle engloutissait de nouveau l'eau salée de la mer, elle semblait bouleversée jusqu'au fond, et elle rugissait affreusement autour de la roche, et le sable bleu du fond apparaissait, et la pâle terreur saisit mes compagnons. Et nous regardions Charybde, car c'était d'elle que nous attendions notre perte. Mais pendant ce temps, Scylla enleva de la nef creuse 6 de mes plus braves compagnons, et comme je regardais sur la nef, je vis leurs pieds et leurs mains qui passaient dans l'air, et ils m'appelaient dans leur désespoir. De même qu'un pêcheur, du haut d'un rocher avec une longue baguette, envoie dans la mer, aux petits poissons, un appât enfermé dans la corne d'un bœuf sauvage, et jette chaque poisson qu'il a pris, palpitant sur le rocher. De même, Scylla emportait mes compagnons palpitants et les dévorait sur le seuil, tandis qu'ils poussaient des cris et qu'ils tendaient vers moi leurs mains. Et c'était la chose la plus lamentable de toutes celles que j'ai vues dans mes courses sur la mer. Après avoir fui l'horrible Charybde et Scylla, nous arrivâmes à l'île irréprochable du Dieu. Et là étaient les bœufs irréprochables au large front et les gras troupeaux du Hyperionide Hélios. Et comme j'étais encore en mer sur la nef noire, j'entendis les mugissements des bœufs dans les étables et le bêlement des brebis. Et la parole du divinateur aveugle du Thébain Tirésias me revint à l'esprit. Et Circé aussi, qui m'avait recommandé d'éviter l'île de Hélios, qui charme les hommes. Alors, triste dans mon cœur, je parlai ainsi à mes compagnons. Écoutez mes paroles, compagnons, bien qu'accablés de mots, afin que je vous dise les oracles de Tirésias et de Circé, qui m'a recommandé de fuir promptement l'île de Hélios, qui donne la lumière aux hommes. Elle m'a dit qu'un grand malheur nous menaçait ici. Donc, poussez la nef noire au-delà de cette île. Je parlai ainsi, et leur cher cœur fut brisé. Et aussitôt, Eurylochos me répondit par ces paroles funestes. Tu es dur pour nous, Odysseus. Ta force est grande, et tes membres ne sont jamais fatigués, et tout te semble de fer. Tu ne veux pas que tes compagnons, chargés de fatigue et de sommeil, descendent à terre, dans cette île entourée des flots, où nous aurions préparé un repas abondant. Et tu ordonnes que nous irions à l'aventure, pendant la nuit rapide, loin de cette île sur la sombre mer. Les vents de la nuit sont dangereux et perdent les nefs. Qui de nous éviterait la guerre fatale si soudainement survenait une tempête du Notos ou du violent Zéphyr qui perdent le plus sûrement les nefs, même malgré les dieux? Maintenant donc, obéissons à la nuit noire et préparons notre repas auprès de la nef rapide. Nous y remonterons demain, au matin, et nous fendrons la vaste mer. Eurylochos parla ainsi, et mes compagnons l'approuvèrent, et je vis sûrement qu'un démon méditait leur perte. Et je lui dis ces paroles ailées. Eurylochos, vous me faites violence car je suis seul. Mais jure-moi par un grand serment que si nous trouvons quelques troupeaux de bœufs ou de nombreuses brebis, aucun de vous, de peur de commettre un crime, ne tuera ni un bœuf ni une brebis. Mangez tranquillement les vivres que nous a donnés l'immortel Circé. Je parlai ainsi et aussitôt ils me le jurèrent comme je l'avais ordonné. Et après qu'ils eurent prononcé toutes les paroles du serment, nous arrêtâmes la nef bien construite, dans un port profond, auprès d'une eau douce, et mes compagnons sortirent de la nef et préparèrent à la hâte leur repas. Puis, après s'être rassasiés de boire et de manger, ils pleurèrent leurs chers compagnons que Scylla avait enlevés de la nef creuse et dévorée. Et tandis qu'ils pleuraient, le doux sommeil les saisit. Mais vers la troisième partie de la nuit, à l'heure où les astres s'inclinent, Zeus, qui amasse les nuées, excita un vent violent, avec de grands tourbillons, et il enveloppa la terre et la mer de brouillard, et l'obscurité tomba de l'Ouranos. Et quand Éos, aux doigts rosés, né au matin, apparut, nous traînâmes la nef à l'abri dans une caverne profonde. Là étaient les belles demeures des nefs et leurs sièges. Et alors, ayant réuni l'agora, je parlai ainsi. Ô amis, il y a dans la nef rapide à boire et à manger. Abstenons-nous donc de ces bœufs, de peur d'un grand malheur. En effet, ce sont les bœufs terribles et les illustres troupeaux d'un dieu, de Hélios, qui voient et entendent tout. Je parlai ainsi, et leur esprit généreux fut persuadé. Et tout un mois le Notos souffla perpétuellement, et aucun des autres vents ne soufflait, que le Notos et le Ross. Et aussi longtemps que mes compagnons eurent du pain et du vin rouge, ils s'abstinrent des bœufs qu'ils désiraient vivement. Mais quand tous les vivres furent épuisés, la nécessité nous contraignant, nous fîmes, à l'aide d'hameçons recourbés, notre proie des poissons et des oiseaux qui nous tombaient entre les mains. Et la faim tourmentait notre ventre. Alors, je m'enfonçai dans l'île, afin de supplier les dieux, et de voir si un d'entre eux me montrerait le chemin du retour. Et j'allai dans l'île, et laissant mes compagnons, je lavai mes mains à l'abri du vent, et je suppliai tous les dieux qui habitent le large Olympe. Et ils répandirent le doux sommeil sur mes paupières. Alors, Eurylochos inspira mes compagnons un dessein fatal. Écoutez mes paroles, compagnons, bien que souffrant beaucoup de maux. Toutes les morts sont odieuses aux misérables hommes, mais mourir par la faim est tout ce qu'il y a de plus lamentable. Allons, saisissons les meilleurs bœufs de Hélios et sacrifions-les aux immortels qui habitent le large Ouranos. Si nous rentrons dans Ithaque, dans la terre de la patrie, nous élèverons aussitôt à Hélios un beau temple où nous placerons toutes sortes de choses précieuses. Mais s'il est irrité à cause de ses bœufs aux cornes dressées, et s'il veut perdre la nef, et si les autres dieux y consentent, j'aime mieux mourir en une fois, étouffé par les flots, que de souffrir plus longtemps dans cette île déserte. Eurylochos parla ainsi, et tous l'applaudirent. Et aussitôt, ils entraînèrent les meilleurs bœufs de Hélios, car les bœufs noirs, au large front, paissaient non loin de la nef à proue bleue. Et les entourant, ils les vouèrent aux immortels. Et ils prirent les feuilles d'un jeune chêne, car ils n'avaient point d'orge blanche dans la nef. Et après avoir prié, ils égorgèrent les bœufs et les écorchèrent. Puis ils rôtirent les cuisses recouvertes d'une double graisse. Et ils posèrent par-dessus les entrailles crues. Et n'ayant point de vin pour faire les libations sur le feu du sacrifice, ils en firent avec de l'eau, tandis qu'ils rôtissaient les entrailles. Quand les cuisses furent consumées, ils goûtèrent les entrailles. Puis, ayant coupé le reste en morceaux, ils les traversèrent de broches. Alors le doux sommeil quitta mes paupières, et je me hâtai de retourner vers la mer et vers la nef rapide. Mais quand je fus près du lieu où celle-ci avait été poussée, la douce odeur vint au-devant de moi, et gémissant, je criai vers les dieux immortels. Père Zeus et vous, dieux heureux et immortels, certes, c'est pour mon plus grand malheur que vous m'avez envoyé ce sommeil fatal. Voici que mes compagnons restés seuls ici ont commis un grand crime. Aussitôt, l'empêtier au large Péplos alla annoncer à Hélios Hyperionide que mes compagnons avaient tué ses bœufs. Et le Hyperionide, irrité dans son cœur, dit aussitôt aux autres dieux. Père Zeus et vous, dieux heureux et immortels, vengez-moi des compagnons du Laertiade Odysseus. Ils ont tué audacieusement les bœufs dont je me réjouissais quand je montais à travers l'Ouranos étoilé et quand je descendais de l'Ouranos sur la terre. Si vous ne me donnez pas une juste compensation pour mes bœufs, je descendrai dans la demeure d'Hadès et j'éclairerai les morts. Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondant, parla ainsi. Hélios, éclaire toujours les immortels et les hommes mortels sur la terre féconde. Je brûlerai bientôt de la blanche foudre leurs nefs fracassées au milieu de la sombre mer. Et j'appris cela de Calypso aux beaux cheveux, qui le savait, du messager Hermès. Étant arrivé à la mer et à ma nef, je fis des reproches violents à chacun de mes compagnons. Mais nous ne pouvions trouver aucun remède au mal, car les bœufs étaient déjà tués, et déjà les prodiges des dieux s'y manifestaient. Les peaux rampaient comme des serpents, et les chairs mugissaient autour des broches, cuites ou crues. On eût dit les voix des bœufs eux-mêmes. Et pendant 6 jours, mes chers compagnons mangèrent les meilleurs bœufs de Hélios les ayant tués. Quand Zeus amena le 7e jour, le vent cessa de souffler par tourbillon. Alors, étant montés sur la nef, nous la poussâmes au large, et le mât étant dressé, nous déployâmes les blanches voiles. Et nous abandonnâmes l'île, et aucune autre terre n'était en vue, et rien ne se voyait que l'Ouranos et la mer. Alors, le Cronion suspendit une nuée épaisse sur la nef creuse, qui ne marchait plus aussi vite, et sous elle, la mer devint toute noire. Et aussitôt, le strident Zéphyr souffla avec un grand tourbillon, et la tempête rompit les deux câbles du mât, qui tomba dans le fond de la nef, avec tous les agrès. Et il s'abattit sur la poupe, brisant tous les os de la tête du pilote, qui tomba de son banc, semblable à un plongeur. Et son âme généreuse abandonna ses ossements. En même temps, Zeus tonna et lança la foudre sur la nef, et celle-ci, frappée de la foudre de Zeus, tourbillonna et s'emplit de soufre, et mes compagnons furent précipités. Semblables à des corneilles marines, ils étaient emportés par les flots, et un dieu leur refusa le retour. Moi, je marchai sur la nef jusqu'à ce que la force de la tempête eût arraché ses flancs. Et les flots l'emportaient, inertes, çà et là. Le mât avait été rompu à la base, mais une courroie de peau de bœuf y était restée attachée. Avec celle-ci, je le liai à la carène, et m'asseyant dessus, je fus emporté par la violence des vents. Alors, il est vrai, le zéphyr apaisa ses tourbillons, mais le Notos survint, m'apportant d'autres douleurs, car de nouveau, j'étais entraîné vers la funeste Charybde. Je fus emporté toute la nuit, et au lever de Hélios, j'arrivai auprès de Scylla et de l'horrible Charybde, comme celle-ci engloutissait l'eau salée de la mer. Et je saisis les branches du haut figuier, et j'étais suspendu en l'air comme un oiseau de nuit, ne pouvant appuyer les pieds, ni monter, car les racines étaient loin, et les rameaux immenses et longs ombrageaient Charybde. Mais je m'y attachai fermement, jusqu'à ce qu'elle eût revomi le mât et la carène. Et ils tardèrent longtemps pour mes désirs. À l'heure où le juge, afin de prendre son repas, sort de l'agora où il juge les nombreuses contestations des hommes, le mât et la carène rejaillirent de Charybde, et je me laissai tomber avec bruit parmi les longues pièces de bois, et m'asseyant dessus, je nageai avec mes mains pour aviron. Et le père des dieux et des hommes ne permit pas à Scylla de me voir, car je n'aurais pu échapper à la mort. Et je fus emporté pendant 9 jours, et la 10e nuit, les dieux me poussèrent sur l'île Ogygié, qu'habitait Calypso, éloquente et vénérable déesse aux beaux cheveux, qui me recueillit et qui m'aima. Mais pourquoi te dirais-je ceci? Déjà je te l'ai raconté dans ta demeure, à toi et à ta chaste femme. Il m'est odieux de raconter de nouveau les mêmes choses.